J'ai trop fréquenté le bitume, traîner devient une habitude. Nerveux sombre et lassitude, quand fallait venir où étais-tu? La moitié dans le chargeur, deux gants et un moteur. Dans les sept blocs, je suis rassuré, tu disparais dans un quart d'heure. J'ai confiance quand mes couilles et mon glock, que j'arrête pas de fréquenter le bloc. Là je suis bloqué, si tu veux un chrome, je te réponds ouais ouais. Pour toi ces gens-là ils font trop peur, pour moi ils me font golfri. Arrête tes conneries, si tu veux un gain, je te réponds ouais. T'es là pour moi ou juste par intérêt? Dis-moi qui peut venir péter le terrain. Tu veux me fumer, ben c'est dans tes rêves. T'aventures pas si tu connais pas le terrain. On a charbonné, je te parle pas d'intérim. La bas t'as le bras long, ici t'as tes mains. On va te péter le million si tu crois que t'es riche. Mais pas les pieds, j'ai ici, les si t'es deux pieds flou. Dans le chica. J'ai les deux pieds dans le chica. Et je me vois là. Car j'ai les deux pieds dans le chica. J'ai les deux pieds dans le chica. Et je traîne toute la la. Car j'ai les deux pieds dans le chica. Viens par ici, toi t'es paresseux. Tu fais quoi ici, t'es pas venu par hasard. On parie si t'as pas raison. Pourquoi tu trembles, tu me parais bizarre. Ton ennemi a sûrement été l'un des mecs avec qui tu traînais. Tu me connais, pas de prénom, si on me cherche, tu sais très bien où tu peux me trouver. À 2-6 sur le périph', 2-6 sur le terrain. La vengeance sera terrible, celui qui touche pas y perdra. Et je manie une Glock frère, je manie l'Anster auparavant. C'est tout seul que je traîne, c'est tout seul que je perds apparemment. Eh hey, tu veux savoir poteau? Bah je vais te dire. Car j'ai les deux pieds dans le chica. J'ai les deux pieds dans le chica. Et je me vois là. Car j'ai les deux pieds dans le chica. La la la, j'ai les deux pieds dans le chica. Et je me bats la la, car j'ai les deux pieds dans le chica. La la la, j'ai les deux pieds dans le chica. Et je traîne toute la la, car j'ai les deux pieds dans le chica. La la la, et je me bats la la. La la la, j'ai les deux pieds dans le chica. Et je traîne toute la la. Car j'ai les deux pieds dans le chica.